rien ne s'écrit pour eux. Il est évident quand il prie, etc. Et certains hommes de science disent que ce bien qu'il fait en étant avant l'âge du puberté, il est transcrit pour lui. Mais le mal ne sera pas, lui, ne sera pas pris rigueur. فما بين يقول الشيخ فما بين سن العاشرة إلى البلوغ هذا في أحوال وأحوال. الشيخ entre l'âge de 10 ans et l'âge de la puberté, là il y a des situations et des situations. وما دون ذلك له أحكام فيها سعة. Et en dehors de ça, dire plus bas que 10 ans, il y a la largesse dans les lois d'Allah Azza wa Jalla. Dans certaines lois, il y a la largesse. فلذلك ينبغي للمرء في هذين السنين أن يتعلم كيف يتعامل مع أولاده. C'est pour ça qu'il est de devoir de tout un chacun de nous qui a des enfants d'apprendre comment agir avec ses enfants dans ces âges-là et aux différentes étapes de leur vie. لأن من واقع السؤال ومن واقع ما سمعنا وجدنا أن كثيرا من الناس لا يحسن التعامل الشرعي مع أولاده الصغار. Il dit حفظه الله تعالى partant des questions que nous entendons des gens et partant de la réalité que vivent certains, nous avons trouvé que beaucoup de gens ne savent pas se comporter comme le veut la législation avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ceux qui sont à bas âge, ils ne savent pas se comporter avec. لا يحسنون التعامل الشرعي مع المراهق والمراهقة يعني ما بين سن العاشرة وسن البلوغ. Il dit ils ne savent pas agir selon la législation avec l'adolescent et l'adolescente, ceux qui sont entre l'âge de 10 ans et l'âge de puberté, ils ne savent pas faire avec. Ça veut dire qu'ils ratent un coche. Et un moment très sensible dans la vie des enfants, que ce soit les filles ou que ce soit les garçons, c'est très difficile pour les deux côtés. أما ما بعد البلوغ فإنما يشار بالولد ويشار للبنت إشارات يعني بأمر الله جل وعلا. يضيق المرء طريق الشر على الفتى وعلى الفتاة. Quand à l'âge de puberté, quand la personne, l'enfant, garçon, fille arrive à l'âge de puberté, dans ces cas-là, ce ne sont que des orientations qu'il fait le père. Tu dois faire ça. C'est comme ça que tu dois faire. C'est-à-dire, il l'oriente vers quoi? Vers les ordres d'Allah. Ce que veut de lui Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il fait en sorte qu'il rétrécit, il noircit le chemin du mal. Pour la fille, pour le garçon. كذلك يأمر الوالد ولده رجلا كان أو أنت يأمرهما بطاعة الله جل وعلا وبالفرائض وينهاهما عن المحرمات. Il est le devoir du père comme il est le devoir de la mère d'ordonner à son fils et à sa fille qui sont arrivés à l'âge de puberté l'obéissance à Allah, le fait de s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. وإذا كان تم جانب تقصير عند هذا وهذا فلا يحمله عليه بالقوة لأنه خاصة في هذا الزمان القوة لا تنفع بل ربما نفر كثيرين من قبول الحق والهدى. الشيخ de nous dire s'il arrive que certaines négligences de la part de celui-là ou de celle-là qui sont à l'âge de la puberté, bah qu'on ne leur impose pas avec force, surtout particulièrement à notre époque, parce que c'est une époque où la force ne sert à rien. Peut-être que le fait d'agir par force et durement avec, ça va les faire encore éloigner plus. Ils ne vont pas accepter la vérité. Hadassi, si il parle de cette situation dans un pays de l'islam, comme l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'il en est en Europe encore? S'il donne ce conseil à agir ainsi, dans un pays de l'islam, qui est l'Arabie Saoudite, puisque la conférence a été donnée devant une population saoudienne, qu'est-ce qu'il en est maintenant de nous en Europe? Qu'est-ce que vous en pensez? La situation, la vigilance, on doit encore doubler de vigilance. On n'a pas perdu nos enfants. Hein? فإذا كان الشاب أو الشابة في سن المراهقة فإن على الوالدين أن يحملان هؤلاء على الطاعة وأن يباعد بينهما وبين سبل الفساد وسبل المنكر في البيت وفي الشارع ومن جهة الأصدقاء والصديقات. Et ouvre la porte. Et c'est maintenant le jeune garçon et la jeune fille sont à l'état de l'adolescence. Il ne faut pas maintenant que les parents soient durs avec eux pour les amener à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut qu'ils fassent en sorte de leur faire aimer l'adoration et en sorte de les éloigner de la meilleure des façons du porte du mal et du moyen qui vont les amener vers le blâmable, que ce soit à l'intérieur de la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le choix des amis hein, et des copines pour les filles. Lakin, la yakunu dhalika an quswatin wa shidda. Mais tout ceci ne doit pas se faire durement et sévèrement. بل يكون ذلك عن طريق التعامل بالإقناع والتعامل بالترغيب تارة وبالترهيب تارة وهذا لا شك أنه أنفع. Mais il dit, ça doit se faire par la voie, le fait de les convaincre. Utiliser le style pour les convaincre. Et des fois, ça se fait avec le fait de leur montrer, de les inciter aux portes du bien, leur montrer ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve, et aussi de, par la voie de leur faire peur, ah, le châtiment qui découle du mauvais acte s'ils tombent dedans, etc. Une fois avec tarhib, une fois avec tarhib. Et ça, il n'y a aucun doute, dit cher, c'est la meilleure des situations, et le meilleur, et que ça va être bénéfique. Yaqul ومن أحسن الوسائل في تربية الأولاد أن تتخير أن يتخير المرء لأولاده إذا كبروا من يصاحبهما من الجنسين. Il dit fait partie des meilleurs moyens dans l'éducation des enfants, c'est que tu choisis à tes enfants quand ils sont grands avec qui ils doivent être, que ce soit les filles ou que ce soit les garçons. يعني أن يتخير المرء للفتاة ما بعد سن البلوغ يخير لها من تصاحب لأن المرء بطبيعة يحتاج إلى من يصاحب. C'est-à-dire que le père ou la mère fait un choix, choisit la meilleure des compagnes parmi les filles pour sa fille et oriente sa fille à être en compagnie de cette fille par la noblesse du caractère qu'il a, par le fait que cette fille est soumise à Allah Azza wa Jal, par le comportement qu'il a, etc. Donc il choisit, il oriente sa fille vers ces voies-là. Parce que l'être humain, tu peux pas priver tes enfants d'une compagnie. C'est pas possible. Donc tant qu'à faire, sois intelligent et fais le choix et oriente vers ce choix-là. Directement ou indirectement. فَالْفَتَاتُ تَحْتَاجُ إِلَى مَنْ تُصَاحِبُ لا تقبل أن تصاحب أمها دائما. La jeune fille a besoin d'une copine avec laquelle elle soit. Il n'aime pas être avec sa mère tout le temps. Hein? ولا تريد أن تصاحب أختها الكبيرة دائما. Il ne veut pas être avec sa grande sœur toujours. Hein? بل إذا وجدت من غيرها فربما كان ذلك أقبل للتوجيه. Mais s'il y a quelqu'un d'autre mieux et quelqu'un qui une copine hein, dans le quartier ou là etc et tout qui est bien et qui est orientée vers ça, ce sera encore mieux pour que cette jeune fille accepte la vérité et qu'il soit influencé par cette jeune fille qui est bien. كذلك الفتى يتحرى المرء في ولده الكبير من يصاحب ويطلب من فلان إذا وجده صالحا خيرا مأمونا يقول يرغب في مصاحبة ولده ويحث ولده على ذلك. Il en est aussi pour le grand garçon. Voilà, ton grand garçon, tu l'as choisi. Tu vois quelqu'un de bien. tu vas toi, tu demandes à ce garçon, c'est d'être l'ami de ton fils, de l'orienter. Sans que toi tu dises à ton fils, vas-y, l'autre, tu l'orientes vers quel, le fait qu'il, tu vois, tu lui choisis un garçon qui oublie Allah Azza wa Jal, qui a un bon comportement, qui a, etc. Et sans que toi tu le dises à ton fils, toi tu incites l'autre, au fait d'être avec ton fils et d'être le compagnon de ton fils pour qu'il soit d'une bonne influence sur ton fils et d'une bonne aide pour toi. C'est très important, frère en Allah Azza wa Jal, pour l'éducation de nos enfants. Et surtout, ici, tu as à faire des efforts pour trouver. Ta femme doit faire des efforts pour trouver une fille de bien sûr pour agir sur certains. Je cite des exemples. Des exemples que nous avons vécu nous dans la maison. Certaines filles qui maintenant, mashallah, mariées, il va bien pour un enfant. Le contact ne passe pas avec sa mère. Mais il passait très bien avec ma femme. Ouais, puis, il est venu tout le temps chez ma femme. Et tout le message que sa mère veut lui faire passer, ma femme lui passe. Et ça passe. Et le problème est arrivé. Surtout au moment difficile de l'adolescence. Et les exemples sont nombreux comme ça, dans d'autres familles où c'est arrivé comme ça. Et au niveau des garçons, la même chose. Et il faut prendre en considération que des fois, tu as des filles, et n'aiment pas être avec ceux de leur âge. Ils préfèrent quelqu'un de plus âgé. Parce qu'ils veulent grandir très vite. Dans les garçons, la même chose. Donc à toi d'être intelligent et d'essayer de trouver la personne adéquate qui va être avec. Parce qu'il y a des choses que ce garçon va passer. Et cette fille va passer. Ou là, cette autre femme, cette autre sœur qui est l'amie de ta femme, etc., va passer mieux que ta femme. Tout simplement parce qu'au moment de l'adolescence, il y a des frictions, c'est normal. C'est un âge très sensible. À nous de savoir gérer ces situations et à ne pas en faire un drame psychologique. Parce que certains en font un drame, alors qu'il n'y a pas de drame. C'est une situation tout à fait naturelle. Au niveau, tout le métabolisme de la fille va changer au moment d'avoir ses règles, au moment où ses seins gonflent, etc. La même chose pour le garçon. Les choses, ils changent. C'est normal, mais il ne faut pas en faire un drame. Il faut savoir gérer la situation comme il se doit. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il ne faut pas être sévère. Savoir orienter, etc. يقول الشيخ هذا من أنواع التعامل التي ينبغي للوالدين أن يدركاها وهذا مما فات في كثير من الأحيان نجد أن بعض البيوت فيها من الفساد ما فيها وإذا نظرت ما السبب il dit حفظ الله تعالى et ça fait partie du comportement que les parents doivent prendre en considération. Ils doivent comprendre. Il a dit certains ont raté le coche. Et dans beaucoup de situations, tu trouves le mal qu'il y a dans certains foyers. Mais quand tu regardes, la cause, c'est quoi? On a raté le coche au départ. Le coche a été raté au moment de... Quand il est petit, quand il est arrivé à l'âge de 7-8 ans, etc. Et quand il est arrivé à l'âge de... C'est là où tout a été raté. Et donc, il faut savoir prendre la leçon. Tu regardes autour de toi les foyers, comment ils sont éclatés, les problèmes qu'on a. Tu prends la leçon. Et tu t'instruis sur les situations. Et l'une des plus grandes choses pour l'éducation de ton fils, c'est de choisir avant là où tu vas mettre ta goutte de sperme. Qui va être à l'origine, bidnillah azza wa jal, si Allah le fait, si Allah le veut, l'origine d'un enfant ou d'une fille. Alors, l'éducation commence avant le mariage. Le choix. le choix de la femme, le choix de la famille. Voilà. Ceci est très important. Il faut prendre ça en considération. Il ne faut pas être négligent à ce point-là. Il faut prendre ça parce que c'est la mère de tes futurs enfants. Et les arbres en général ne jettent pas leurs fruits plus loin que leur ombre. Regarde ceux qui vont être les oncles et regarde celles qui vont être les tantes de tes enfants. C'est un repère que les anciens ils avaient. Mais en général, c'est une règle qui est réelle, à part dans des cas particuliers. Tu as déjà vu un arbre jeter ses fruits au lointain? Juste à son ombre. Le fruit tombe. Et des fois, il roule un petit peu, il va plus loin que il sort de l'ombre de son arbre. Donc c'est très important. Tu n'es pas encore marié? Réfléchis. C'est là où commence l'éducation de tes enfants. Là, ça démarre. Donc c'est pour ça, l'affaire du mariage, il ne faut pas être pressé. On est pressé. Là, Andak, c'est le point de départ d'une famille et d'une éducation. Donc tu mets tout. Et après, quand tu auras fait tout le nécessaire, tu as mis tous les moyens pour la réussite de ton côté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accomplit après. Tu as fait ta salat sikhara, tu t'es bien renseigné, etc. Après, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de la situation, comment il va être après. L'invisible, il n'est pas de notre ressort. Mais il est de notre ressort d'utiliser les moyens. Ça, c'est de notre ressort. Ce qui va en découler après, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. يقول الشيخ وجدت أن إخلال الرجل أو الأم بواجبهما هو من الأسباب فتجد أنه لم يسعى في إصلاحهما في سن المراهقة لم يسعى في إصلاحهما بعد البلوغ لم يسبح في تحبيب الخير إليهما donc il dit حفظه الله تعالى tu vois que les lacunes et le défaut viennent de l'homme ou de la mère ou de la femme du père, parce qu'ils n'ont pas rempli leur devoir comme il se doit. Et ça, c'est l'une des causes. Parce que le père ou la mère n'ont pas fait le nécessaire pour bien orienter, pour bien éduquer leurs enfants et pour bien récupérer leurs enfants au moment de l'adolescence. Et ils n'ont rien fait aussi pour les orienter, pour les rattraper une fois qu'ils sont arrivés à l'âge de puberté. Et ils n'ont rien fait pour leur faire aimer le bien. Et après ça, il vient et il se plaint. À quoi ça sert? Après, tu les entends se plaindre beaucoup. Quand j'étais imam, dans certains mosquées, notamment à Mourcon, etc., beaucoup de gens venaient me voir. Comme je vois, qu'est-ce que tu as fait? Wallahi, j'ai rien fait. Et négligence totale. Le pauvre faisait 8 heures dans la mine ou 8 heures dans l'usine, il arrive, il est KO. Et les enfants sont libres en eux-mêmes. Après, c'est la grande cata. À l'âge de 20 ans, 21 ans, etc. Et c'est normal qui? Et quand tu cherches derrière, etc., et tu poses des questions, tu vois que la responsabilité n'a pas été remplie. Qu'on les a laissés libres à eux-mêmes. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Tu gères comme tu peux. Tu essayes d'orienter au mieux, etc. Et les exemples sont nombreux. Regardez autour de vous. La buddhan yakuna عند المرء طريقة شرعية في التعامل مع ولده في التعامل مع بنته. En Allah Azza wa Jal. Si les anciens ont fait des erreurs ou fait selon leur capacité, ou là ils étaient négligents, ou là ils étaient dépassés par les événements, qu'on ne répète pas, qu'on ne soit pas des photocopies. Que nous, dans notre comportement avec nos enfants, qu'on soit digne de ce que veut de nous Allah Azza wa Jal. C'est eux, personne n'était là pour leur apprendre comment être avec les enfants, etc. ils étaient illettrés. Hein? Ils étaient dans des montagnes, par-ci, par-là, ils ne savaient pas. Dans leur adoration, ils faisaient juste comme font les gens dans le village. Et puis c'est tout. Le cas n'est pas le même pour nous, Ikhwat al-Islam. Donc nous ne devons pas être des photocopies conformes à l'original. Et maintenant, on change. On se conditionne avec la parole d'Allah et la sunna du prophète, alayhi wa sallam. Hein? Et on prend la leçon dans ce qui est passé devant nous. Hein? Moi, ils ne savaient pas lire, ni en arabe, ni en français. Toi, la situation pour toi est différente. Tu sais écouter les ondes de science. Hein? Tu sais lire en arabe, tu sais lire en français, etc. Les choses ont changé pour toi. Donc, tu as un peu plus, Inch'Allah, que leur ignorance, l'ignorance de nos parents. Que ce soit une cause d'excuse pour eux. Bidnillah Azza wa Jal. Hein? Donc, mais nous, frères en Allah Azza wa Jal, il faut qu'on retrousse les manches. Il faut qu'on apprenne le mariage, comment on doit faire, le comportement avec nos enfants, avec nos femmes, etc., etc. Si nous voulons accomplir la voie de nos plusieurs, d'Allah alayhim, si nous voulons accomplir la voie de notre prophète, alayhi salam, et de ses compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Fala yutrak hada wa dak wa la yutrak hadi wa tilk hatta yakuna wa hatta yara ma la yuridu an yara la budda min as-sa'i fi ta'allum anwa' at-ta'amul ma'a al-awlad. Tarbiyat al-awlad, kayfa takun? كيف يسعى في ذلك؟ كيف يصلح؟ وعند ذاك تكون التربية أو يكون التعامل مع الأولاد على وفق مراد الله عز وجل. فهم الله عز وجل. Nous ne devons pas maintenant laisser la situation comme ça. Laisser la situation comme ça. Jusqu'à ce qu'il pourrisse. Jusqu'à ce qu'il se situe que le mal. Là, يا خال الإسلام. Nous devons nous accourir. Nous maintenant, notre devoir c'est de tenir à l'apprentissage. Comment nous devons nous comporter dans n'importe quelle situation, dans toutes les situations. Il est obligatoire pour nous. Comment être dans l'éducation de nos enfants, parce qu'on y va pour le mariage. Hein? Donc, comment remédier aux lacunes qu'il y a eu? Comment les corriger? Il est obligatoire que l'éducation de nos enfants et comment se comporter avec doit être conformément à la loi d'Allah. Et à l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous allons arrêter là, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.